et avoir ton cœur. Pour savoir ce que t'as dans le cœur. La mise vers n'aie pas peur. On a des couilles, des blocs, de la rancœur. Mon pote est genouné. Vers de vodka bourré. Ce soir j'ai tourné. Les aimes faut que tu payes ta tournée. Moi toute ma vie j'ai traîné. Ce soir je me mets à rêver. La mise me fait décaler. Je veux voyager sans bouger. Je te paye pas pour tes fesses. Ça. Sors on s'évade donc tout niqué. Je rentre à la légende, je les mets au piquet. La roue à tourner.